peut chanter Alléluia. Gloire à Jésus, le roi des rois. Gloire à son Père, le Tout-Puissant. Et à l'Esprit du Dieu vivant. Glorifions ensemble ce cœur, Alléluia, Jésus le roi, notre sauveur. Ne craignons plus, n'ayons plus peur. En lui nous sommes plus que vainqueurs, Alléluia. Sa vie à jamais.